suis posé dans ma chambre depuis trop longtemps comme un ange. Je devrais incontestablement faire quelque chose de grand. Mais non, non, non, non, non, non, non, non. Je ne suis qu'un viewer dans ce monde de rêve. Et je suis dans une époque où l'on n'a même plus de potes. Après l'école, après les notes, après les cours, après les profs. Avant le bac, après les blocs, après le bac, après les jobs, après les jobs, après le chômage, après le chômage. J'ai comme une envie de partir loin et d'y laisser les personnes toxiques, l'environnement toxique, de quitter cette terre toxique, de quitter cette vie toxique, de quitter l'éternel toxique. Toxique, toxique, toxique. Dans ma chambre, depuis ma naissance dans ma chambre. Je devrais, c'est vrai, mais non. J'ai pas envie de faire quelque chose de grand. Non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. Je suis toujours dans une époque où l'on n'a même plus de potes. Après l'école, après les notes, après les cours, après les profs. Avant le bac, après les blocs, après le bac, après les jobs, après les jobs, après le chômage, après le chômage. J'ai comme une envie de partir loin et d'y laisser les personnes toxiques, l'environnement toxique, de quitter cette terre toxique, de quitter cette vie toxique, de quitter l'éternel toxique. Toxique, toxique, toxique.